Édouard rassure Saint-Preux, le console en le ramenant à Clarens, où Saint-Preux peut s'assurer de la présence de Julie. De son côté, Julie rassure sa cousine Claire, désormais veuve, sur le sentiment que celle-ci éprouve envers Saint-Preux. Sentiment qu'elle a caché si longtemps par respect pour Julie elle-même. Mais, selon Julie, Claire et Saint-Preux sont désormais libres tous deux. Et Saint-Preux est un digne successeur à donner au défunt M. d'Orbe. Partie à Lausanne pour préparer le mariage de son frère, Claire répond à Julie qu'elle aime Saint-Preux sans l'aimer. Ses sentiments pour lui sont plus que l'amitié, mais sans être de l'amour. Quant à Saint-Preux, il ressent pour Claire une affection mêlée de tendresse, mais ce n'est pas de l'amour non plus. Il ne peut donc être question de mariage entre Claire et lui. Mais Saint-Preux reconnaît l'empire que ces deux femmes exercent sur lui. Femme, femme, objets chers et funestes, que la nature orna pour notre supplice, qui punissez quand on vous brave, qui poursuivez quand on vous craint, dont la haine et l'amour sont également nuisibles et qu'on ne peut ni rechercher ni fuir impunément. Beauté, charme, attrait, sympathie, être chimère inconcevable, abîme de douleurs et de voluptés. Beauté, plus terrible au mortel que l'élément où l'on t'a fait naître, malheureux qui se livre à ton calme trompeur. C'est toi qui produis les tempêtes, qui tourmente le genre humain. Ô Julie, ô Claire, que vous me vendez cher cette amitié cruelle dont vous osez vous mentir à moi. J'ai vécu dans l'orage, et c'est toujours vous qui l'avez excité. Mais quelles agitations diverses vous avez fait éprouver à mon cœur. Celle du lac de Genève ne ressemble pas plus aux flots du vaste océan. L'un n'a que des ondes vives et courtes, dont le perpétuel tranchant agite, émeut, submerge quelquefois, sans jamais former de long cours. Mais sur la mer, tranquille en apparence, on se sent élevé, porté doucement et loin par un flot lent et presque insensible. On croit ne pas sortir de la place et l'on arrive au bout du monde.